J'attends encore. J'attends comme une horloge les 12 premiers coups de rame, pour n'en appuyant plus qu'une à la surface des eaux, relevant l'autre, ruisselante, vomissante, tournée, m'inverser et m'élancer vers le lointain, hypothétique, invisible centre du bassin. Thank you. immédiatement ma barque et moi trouvons le rythme, l'exacte cadence, et dans cette immuable précision, notre vitesse sans cesse s'accélère, et il me semble alors que de mon corps ramant, tout ce qui fait ma pensée, mes rêves et mes souvenirs s'échappe, s'extirpe, s'élève pour observer le phénomène de l'être devenu barque, de celui qui, dans l'effort absurde, a enfin trouvé son repos. Puis toujours au même endroit, à la même distance pressentie, j'arrête mon effort, je me relève, range mes rames et porté par notre élan, lentement, de plus en plus lentement, glissant sur l'eau, ne laissant plus dans notre dos qu'un sillage s'amenuisant, se refermant, insensiblement nous nous immobilisons, ma barque et moi, au centre exact du bassin. And you damn adult people lovers in their place. Rising. dust like serpents. Hold your tongue. Get thee behind me. Immobile. Alors je sais que c'est le centre. Je le sais par habitude, par expérience, mais aussi et peut-être surtout parce que depuis toujours, et depuis même avant, j'ai toujours possédé dans mon regard l'œil géométrique. Je veux dire par là que je sais ce qu'est une droite, que je sais ce qu'est une courbe, que je sais que là où nous sommes, ma barque et moi, s'appelle le centre du bassin. Car immobile à ma gauche, à ma droite, lointain, dépossédé, je vois les quatre angles du bassin et je les vois qui projettent des droites qui s'inclinent, des droites qui s'élancent, deux à deux, l'une vers l'autre, des droites qui se joignent, qui s'épousent dans la pointe d'un triangle, des droites qui se touchent dans les pointes de deux triangles, aigu contre aigu, sommet contre sommet, et où nous sommes, ma barque et moi, porté, soulevé, fixé, là, au centre exact où les triangles dépossédés s'unissent. Thank you. Cette chanson s'appelle Well Done. Does it matter how we try? Saisi dans ce mouvement immobile, parfois je m'allonge au fond de ma barque et alors je regarde. Je regarde le ciel, parfois il est empli d'étoiles, de milliers d'étoiles, qu'étendu sans un geste, je regarde luire, luire et tourner. Parfois il n'y en a que quelques-unes, isolées, éloignées, baignant dans un voile de brume, flottant là-haut avec des déchirures où passent ces solitudes d'étoiles. Ou bien c'est la lune, ou plutôt les lunes, toutes les lunes pleines, les morceaux de lune, les croissants en ventre de dés, en bosse de C. Parfois les nuages, parfois le brouillard, la pluie. Regardez la pluie. Être allongé, les yeux ouverts sur le dos et tenter de saisir là-haut, très haut, la chute d'une goutte. Regardez la pluie, je ne sais pas le faire. Voilà ce que je regarde au fond de ma barque, immobile et immobilisé. Si les nuits sont claires, je les appelle les nuits claires, les nuits luisantes, luisantes et noires. Sinon, ce sont les autres, toutes les autres nuits. Extrait tiré de « L'homme changé en barque » de Bruno Edmond aux éditions Diabaz. Yeah. cagette. Ça ne dit rien. Bon, merci. Ah ben il est là. Pardon. Ouais. Il était pas loin. Alors c'est quoi la cagette? C'est une... Comment on peut dire ça? Une épicerie coopérative, un petit supermarché coopératif. Tandis qu'ils déchargeaient le matériel de Bilty sur le granit de leur petite aire d'atterrissage, Chris Floyd avait du mal à arracher ses yeux de la montagne qui les dominait. We'll be right back. Ce pain, outre son talent pour son art, possédait une foule de petites recettes pour faire des liqueurs. Vous avez pu en juger, car il eut la bonté de me les communiquer lorsque nous eûmes fait connaissance à la suite d'une affaire pour laquelle il dut réclamer mes services et mes lumières. Il s'agissait d'un héritage que je réussis à lui faire toucher. Quand il demanda le taux de ses honoraires, car il faut le dire, Karl Ivanovitch, quoique allemand, est un homme consciencieux, je lui répondis que je ne voulais pas de son argent, mais que j'accepterais volontiers un tableau. Wait. Commencer les personnages, un retoucheur, un tailleur audacieux, un homme qui ose, un jeune homme qui emballe, une documentariste un peu moqueuse, un bottier, le crayon à la main, des hommes prisonniers de leurs habits et un dandy économe. We'll be right back. just below, trying to survive. This is pumping with the engine slow, the metal comes alive. Time is ready, score is settled, anger is in vain. Miles are gone as you play that song. Blood pours like rain. Now, forward. Die slower. Let the mask divide your face. Nothing after wins and shake out. Something to remember, something to remember this by. is in the car and I'm on the hill. And when I wake up, I feel it still. I'll get there my way. Got time left still. I haven't slept much. Sun rises pure. I wanted to take him in, but I knew he'd never go home then, and I was afraid whoever owned him would be sorry to lose him. Did you try to find his owner? Yes, but I didn't have any luck. He had a collar, but his tags were missing, and I asked around the neighborhood, but nobody had seen him before, and finally he just disappeared. Disappeared? I figured he'd find his way home, at least I hope so. I always wanted a dog for myself, but my apartment's really too small for one, you understand. Of course. Well done! Why don't you get a job? In the dark when that's a job. Mary got a job. So why don't you get a job? Talk with me to medal. Mary got a medal. So why don't you win a medal? I'd rather cut my nose off. I'd rather cut my nose off. Why don't you get a degree? Tarquin has a degree. Mary got a degree. So why don't you get a degree? Why don't you like reggae? Even Tarquin likes reggae. Nigel Talbot loves reggae. So why don't you like reggae? Why don't you like football? Even Tarquin likes football. Trevor Nelson loves football. So why don't you like football? To spite my face, I'd rather cut my nose off. To spite my face. To Paris, they said. It'll be fun, they said. C'est des vrais. I feel good, good, good. I feel good, guess what? I feel good. Every time I go to the dance, I feel it's the same time. In my neighborhood. I feel good, good, good. I feel good, guess what? I feel good. Every time I go to the dance, I feel it's the same time. In my neighborhood. I'd rather cut my nose off. Despite my pain. La princesse de Clèves et son attachement avec Monsieur de La Rochefoucauld, ce sont deux titres presque égaux de Madame de Lafayette à une renommée touchante et sérieuse. Ce sont deux endroits qui marquent la littérature et la société de Louis XIV. Just Certain, c'est que jamais, ou grand jamais, sur aucun des navires où j'avais pris passage, les gens ne s'étaient livrés à tant de causeries, de commentaires et de discussions concernant les légendes de la mer. Fully signed. We'll be right back. 1800s, most paintings looked like this. Muted colors, complex scenes, and lots of mythological stuff. But in 1865, something came along that was so different, it caused shock and horror and outrage. The body's putrefying color recalls the horror of the morgue. Takes on at times the undefinable terror of a painted corpse. Her face is stupid, her skin cadaverous. She does not have a human form.